Elle m'a dit je vais tout faire avec toi, j'ai trop de projets. Hein, ce que tu souhaites tout de suite, faut me dire je vais tout exaucer. Yeah. Elle m'a dit je vais tout faire avec toi, j'ai trop de projets. Hein, ce que tu souhaites tout de suite, faut me dire je vais tout exaucer. Si t'es pas là, comment je fais si t'es pas là? Je veux pas des filles d'un côté, je veux que toi je vais te doter. Hein, si t'es pas là, comment je vais si t'es pas là? Je veux pas des filles d'un côté, je veux que toi je vais te doter. Je sais qu'à parfois tu penses que je veux plus qu'on reste ensemble. Si je te fais des reproches, c'est pour qu'on soit bien, mais je peux pas faire ça tout le temps. Je préfère te faire sourire, oh, des plaisirs et des cadeaux. Tu t'occupes de la décor, t'es dans mon cœur à la maison. Tous les deux, toi plus moi, ça fait trois. Moi pour toi, bébé, faut me croire. Toi plus moi, bébé, ça fait trois. Elle m'a dit je veux tout faire avec toi, j'ai trop de projets. Hein, ce que tu souhaites tout de suite, faut me dire je vais tout exaucer. Yeah. Elle m'a dit je veux tout faire avec toi, j'ai trop de projets. Hein, ce que tu souhaites tout de suite, faut me dire je vais tout exaucer. Si t'es pas là, comment je vais si t'es pas là? Je veux pas des filles d'un côté, je veux que toi je vais te doter. Ah, si t'es pas là, comment je vais si t'es pas là? Je veux pas des filles d'un côté, je veux que toi je vais te doter. Des mains partout, fais-moi bisous partout. Ils aimeraient qu'on échoue, mais personne n'est comme nous. Mon temps, tu l'as. What you need, tu l'as. Montre-moi où t'as mal. Ma belle sur moi, faut qu'on t'écoute. Est-ce que t'as pour me raconter, raconter? Je suis d'abord, je l'ai détrôné. Mieux que lui, non, faut pas s'étonner. Ma belle sur moi, faut qu'on t'écoute. Est-ce que t'as pour me raconter? Je suis d'abord, je l'ai détrôné. Mieux que lui, non, faut pas s'étonner. Oh. Elle m'a dit, je veux tout faire avec toi, j'ai trop de projets. Ah, ce que tu souhaites tout de suite, faut me dire je...